À l'occasion de la Journée du Soleil, le rassemblement conjoint des partis politiques progressistes et des formations d'amitié des pays nordiques a eu lieu le Vidkoron à Stockholm, Suède. Y ont pris part les personnalités des partis politiques progressistes et des formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen des pays comme Danemark, Suède et Finlande, les membres des organisations d'études et du jeté, ainsi que l'ambassadeur coréen en Suède et ses collaborateurs. Les participants ont fleuri le tableau de peinture figurant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il qui se trouvent ensemble avant de leur rendre hommage. Après les discours, on a donné lecture d'une déclaration. On y a adopté le message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.